Des massacres continuent. En effet, je suis allé à l'hôpital, les blessés continuaient d'arriver. Je sais que cet après-midi, une famille entière a été massacrée dans l'enceinte d'une mission religieuse où ils avaient trouvé refuge. Et dans l'hôpital, bon, c'est une morgue qui déborde de cadavres, qui s'empilent, et puis des salles d'urgence où on marche dans le sang, des blessés couverts de plaies, donc qui gémissent. On voit des enfants, des vieillards, des femmes, sans aucune distinction. Et le CICR, donc, qui sillonne la ville avec ses voitures pour ramasser les blessés dans la rue ou alors dans les maisons qu'on leur a désignées. Un délégué du CICR me disait, nous avons 6 voitures pour chercher les blessés, ramasser les blessés, et il nous en faudrait une centaine. Alors, ces massacres se poursuivent. Avez-vous pu déterminer qui les commet ? D'après les témoignages qu'on reçoit, moi je n'ai pas fait personnellement de tour en ville dans ces quartiers populaires où se passe l'essentiel des massacres, mais ce sont des miliciens essentiellement, donc des partis extrémistes, CDR donc, et même des jeunesses du MRND, donc de l'ancien parti unique du parti au pouvoir, du président Habyarimana. Et sait-on à qui ils obéissent aujourd'hui ? Difficile de savoir. On sait que la garde présidentielle tient la ville, mais on ne sait pas qui est à sa tête. Des militaires donc participent à ces massacres aussi, d'après les témoignages qu'on a reçus. On ne sait pas à qui ils obéissent. En tout cas, ils ne semblent pas obéir au gouvernement qui a prêté serment à Kigali à l'hôtel du 5 juillet. Est-ce qu'il vous semble que ces massacres sont directement à caractère ethnique ? Bon, c'est sûr que la communauté Tutsi semble être particulièrement visée, mais aussi les Hutus qui étaient dans l'opposition, c'est-à-dire favorables à une collaboration avec le FPR d'un point de vue politique. Et puis, bien sûr, il y a des règlements de compte. Et alors, même les Belges semblent visés aussi. Il y a des barrages où les miliciens, à moitié sous, souvent, demandent l'identité des Blancs. Est-ce que vous êtes Belge ? D'un ton très agressif. Voilà comment ça se passe. Et dans l'hôtel ici où nous sommes réfugiés, aux mille collines, les gens ont peur, même les Blancs ont peur, oui. Rwanda, juin 1994, une femme témoigne.